Chapitre 30e, promesse. Nous avons laissé Cerise tombant à la renverse sur le parquet de la salle basse, dans cette petite maison du parc où l'avait entraînée la veuve Fipard. La révélation de l'horrible vieille était la cause de cet évanouissement. Lorsqu'elle revint à elle, la veuve Fipard l'avait transportée au premier étage de la maisonnette et l'y avait laissée seule. Cerise enveloppa d'un regard tous les détails de cette chambre, le carreau ciré, les rideaux de coutil rayés, la pendule à colonne entre deux vases de fleurs, le lit et la commode en noyer. C'était la chambrette d'une ouvrière parisienne. Cerise ne se trouva point dans cette situation assez vulgaire des gens qui, sortant d'un long évanouissement, cherchent à rassembler leurs souvenirs et à relier au moment présent celui qui a précédé leur syncope. Cerise se souvint de tout. En se trouvant seule dans cette chambre où elle n'était jamais entrée, elle se rappela la veuve Fipard et son odieuse révélation. Son premier mouvement, sa première pensée furent de courir à la porte. La porte était fermée. Dans un premier accès de désespoir, elle tâcha de l'ébranler, elle cria, appela, nul ne répondit. Alors la pauvre enfant se prit à fondre en larmes et demeura pendant plusieurs heures la tête dans ses mains, dans l'attitude de la douleur. Vers midi, la porte s'ouvrit et la veuve Fipard entra. « Allons, ma mignonne, dit-elle, venez dîner au lieu de pleurer. » Cerise répondit par un geste négatif. La veuve Fipard se retira et ferma la porte. Elle ne revint que le soir. La pauvre Cerise s'était endormie. La vieille l'éveilla et réitéra son offre de prendre quelques aliments. Cerise refusa encore et dormit toute vêtue et vaincue par la fatigue. Le lendemain, Cerise était plus calme. Le besoin la pressait, elle accepta quelques nourritures, mais elle ne voulut pas sortir de sa chambre. Alors la vieille se mit à l'injurier et la maltraita. Cerise appelait au secours et voulait mourir. La veuve Fipard l'enferma de nouveau et ne revint que le soir, toujours irritée, toujours railleuse, et lui prédisant la visite prochaine du maître. 3 jours s'écoulèrent ainsi. Cerise sentait sa raison chanceler et traduisait son désespoir par des larmes. Enfin, le matin du 3e jour, comme elle était accoudée à sa fenêtre et dans un état d'horrible prostration, une clé tourna dans la serrure. La pauvre enfant frissonna et crut qu'elle allait revoir son tyran. Mais la porte s'ouvrit et un homme entra. C'était le baronnet Sir Williams. Alors Cerise perdit tout à fait la tête, laissa échapper un cri d'épouvante et se réfugia tremblante et pâle à l'autre extrémité de la petite chambre. On eût dit que le baronnet était entré une arme à la main. Mais Sir Williams était calme, souriant, et sa physionomie, à laquelle il savait donner une rare expression de franchise, ne pouvait épouvanter la jeune fille. « Mademoiselle, lui dit-il en la saluant avec une politesse exquise, rassurez-vous, je suis un galant homme. » Cerise, immobile, s'appuya au mur, dans l'angle le plus obscur de la chambre, et continua à regarder avec un sentiment de défiance qui, cependant, n'était point de la terreur. « Voulez-vous m'écouter ? » reprit-il d'une voix caressante, et se tenant toujours debout devant elle, avec un respect qui toucha beaucoup la jeune fille. « Je vous expliquerai bien des choses, mademoiselle. » « Ah, monsieur, » murmura Cerise, à qui revint le sentiment de toutes ses douleurs, « il est impossible que tout le mal qu'on m'a fait ait été ordonné par vous, n'est-ce pas ?»« On vous a fait du mal ?» exclama Sir Williams avec une feinte colère. « Qui donc a osé ?»« Ta affreuse femme dont je suis prisonnière me tyrannise, monsieur. On m'a amené ici violemment, on m'a dit. »« Tout ce qu'on vous a dit est faux, mon enfant, » répondit le baron avec douceur. « Et si on vous a maltraité, je vous vengerai. » « Monsieur, monsieur !» supplia la jeune fille avec des larmes dans la voix. « Il y a 3 jours que je suis ici, sans savoir où, sans nouvelles de ceux que j'aime, de mes amis, de... » Cerise hésita. « De Léon Roland, votre fiancé, n'est-ce pas ?» dit Sir Williams, toujours affectueux dans son accent et son geste. « Louis est un brave garçon qui mérite tout votre amour, et je vous doterai mon enfant afin que vous soyez heureux tous deux. »« Ah !» s'écria Cerise avec un élan de joie. « Je savais bien, monsieur. » Je ne pouvais pas croire ce que cette vilaine femme me disait. Que vous disait-elle, mon enfant? Que c'était par vos ordres que j'étais ici. Que parce que vous étiez riche et que je ne suis qu'une pauvre fille. Ah! Interrompit le baronnet, jouant une vive indignation. La misérable! Comment, moi, le comte Armand de Kergaz? Vous êtes le comte de Kergaz? Demanda vivement la jeune fille. Oui, mon enfant. Et vous allez voir que nous sommes en pays de connaissance, tous deux. Je connais Léon. Par Bastien. Vous savez, cet ouvrier qui a dîné avec vous dimanche dernier et qui a indiqué mon hôtel pour sa demeure. Oui, oui, dit Cerise, je me souviens. Eh bien, écoutez-moi, et ne craignez rien, surtout, ma chère enfant. Sans doute, vous êtes belle et vertueuse, ma petite, et l'homme que vous aimez est digne d'envie. Mais j'aime ailleurs, moi, et je veux être votre ami, votre père, rien de plus. » Sir Williams prit alors la main de Cerise dans les siennes, et elle ne lui la retira point. Il la regarda avec une bonté pleine de compassion et murmura à mi-voix, « Pauvre enfant, qu'eût-on fait de vous sans moi ?» Et comme Cerise, encore tout émue, regardait cet homme qui, une fois déjà, lui était apparu comme un sauveur et qu'il se sentait gagné par une douce confiance, Sir Williams poursuivit. La femme fit part qu'il n'est autre que la veuve de mon jardinier. Vous a dit une moitié de la vérité, mon enfant. Collard vous a conduit ici par mon ordre, mais non point pour que j'y puisse attenter à votre honneur. Il fallait sauver Léon, votre fiancé, il fallait sauver Jeanne. Jeanne ? Fit Cerise stupéfaite. Oui, Jeanne de Balder, que j'aime et dont je veux faire ma femme. Jeanne, qui a failli devenir comme vous la victime du plus odieux des attentats. C'est à devenir folle, mon Dieu, murmura la fleuriste, qui ne comprenait rien aux étranges paroles de Sir Williams. Écoutez-moi avec attention, et parlons de vous d'abord. Nous causerons ensuite de Jeanne, car vos deux destinées ont subi des chances à peu près semblables. Vous aimez un honnête ouvrier, Léon Roland, et il vous aime. Vous devez être mariée dans un mois, n'est-ce pas? Oui, répondit Cerise. Mais vous avez une sœur, ma pauvre enfant, une sœur aussi dépravée que vous êtes vertueuse vous-même. Une sœur entrée depuis longtemps dans la vie par la porte du vice et dans le cœur de qui tout sentiment de pudeur s'est promptement éteint. Eh bien, cette sœur, cette Baccara, a vendu par avance l'honneur de sa sœur à un homme assez riche pour jeter l'or par les fenêtres, assez haut placé pour espérer l'impunité, assez puissant pour tout oser. Cet homme, à qui je vous ai arraché une première fois déjà, et qui s'est pris d'une belle passion pour vous, d'une de ces passions brûlantes qui poursuivent leur but jusqu'au pied de l'échafaud, cet homme, capable de tous les crimes, s'est juré que nul autre que lui ne vous posséderait jamais, et il a payé des bandits. « Mon Dieu !» s'écria Cerise éperdue. « Heureusement, mon enfant, je veillais sur Léon et sur vous. J'ai éloigné celui-ci de Paris, et je vous ai fait enfermer ici, où sans doute, M. de Beaufréau ne viendra jamais vous chercher. Comprenez-vous maintenant ?»« Oui. » murmura Cerise. « Mais monsieur, qu'avons-nous donc fait pour vous, pour que vous soyez aussi noble et bon ?»« Mon enfant, » répondit Sir Williams d'un ton pénétré, « j'ai une grande fortune, que je dépense à faire le bien et à empêcher le mal, une police à mes ordres, par laquelle je sais tout. Averti du danger qui vous menaçait, je suis accouru. Là est tout le secret de ma conduite. » « Monsieur, » murmura la jeune fille en prenant la main du baronnet et la portant à ses lèvres, vous êtes bon comme le bon Dieu, et je mourrai pour vous s'il le fallait. » Sir Williams ne répondit pas. Il se disait avec un sourire infernal. « Décidément, je suis un Armand de Kergaz accompli, et j'ai tout imité jusqu'à ces phrases philanthropiques. » Puis le baronnet reprit tout haut en pressant la main de Cerise. « Maintenant, parlons de Jeanne. Vous la connaissez donc aussi ?»« Je l'aime, » murmura Sir Williams, appuyant sa main sur son cœur avec le geste passionné d'un jeune premier. « Je l'aime. » Il ajouta. « Comme vous, Cerise, ma Jeanne bien-aimée a couru le plus grand des dangers. Et c'est une étrange histoire que celle que je vais vous dire. Figurez-vous qu'il y a un homme assez hardi qui sait prendre mon nom. Cet homme, c'est Bastien. »« Bastien ?» fit Cerise. « Celui que nous avons vu à Belleville ?»« Oui, celui-là même. Vous avez cru, pauvre enfant, que le hasard seul l'avait amené là, assez à temps pour porter secours à Léon. Eh bien non! Tout était prévu, calculé. Les deux hommes à mauvaise mine qui ont querellé votre fiancée étaient les complices de Bastien. Que dites-vous? S'écria Cerise au comble de l'étonnement. La vérité, mon enfant. Bastien m'a suivi Jeanne plusieurs fois. Il s'était épris d'amour pour elle. Et il a arrangé avec ses amis cette petite comédie que vous avez su. De cette façon, vous l'avez engagé, Léon et vous, à partager votre dîner, et il a reconduit mademoiselle de Balder. Ah, murmura Cerise, je commence à comprendre. Vous ne comprenez rien encore, cher enfant, attendez. Cerise regarda Sir Williams, qui avait décidément pris l'attitude et la bonhomie de l'homme qui raconte la vérité pure et simple, avec l'éloquence qui vient du cœur. Bastien, reprit Sir Williams, est un garçon de quelque esprit, et il est doué d'une physionomie distinguée. Effronté comme un laquais qu'il était, car il était mon valet de chambre, il a osé se flatter d'être aimé de Jeanne. et faisant prendre son nom et la qualité de capitaine à un vieux drôle de ses amis, il s'est affublé lui-même de mon titre et de mon nom. Le prétendu capitaine est venu se loger dans la maison de Jeanne. Il s'est présenté chez elle comme un ancien ami de son père. Il me parlait de Bastien, lui donnant mon nom, et l'effronté a été bientôt introduit chez elle comme le comte de Kergaz. Alors Jeanne a reconnu l'homme de Belleville, et comme les jeunes filles ont la tête romanesque, elle l'a vu de mon Bastien héros de roman. Elle s'est prise à l'aimer. « Ah !» s'écria Cerise indignée. « Un valet de chambre aimé par mademoiselle de Balder. Jamais !» Le hasard, ou plutôt ma police, m'a révélé tout cela, ma chère Cerise. J'ai voulu voir alors mademoiselle de Balder, et je l'ai vue à son insu comme déjà je savais sa touchante histoire. Et moi aussi, je l'ai aimée. Mais je l'ai aimée loyalement, la tête haute, comme on doit aimer celle à qui on rêve de donner son nom. Seulement le mal était avancé. Jeanne aimait un imposteur. Il fallait continuer l'œuvre de cet imposteur avant de le démasquer. J'ai fait enlever la jeune fille hier soir, après lui avoir écrit, et on l'a transportée pendant son sommeil dans le petit château que vous voyez au fond du parc. « Elle est là !» s'écria Cerise avec joie. « Venez, vous allez la voir !» dit Sir Williams en prenant la jeune fille par la main. Au rez-de-chaussée, le baronnet trouva la veuve Fipard. Il la regarda d'un œil sévère et lui dit « Votre mari était un honnête homme et je le plains d'avoir passé sa vie avec une méchante femme comme vous. Je vous avais donné la mission de garder cette jeune fille et je sais de quelle honteuse façon vous avez rempli votre tâche. Sortez, je vous chasse !» Cerise vit alors le baronnet indiquer du doigt la porte à la vieille, mais elle ne vit point un signe imperceptible qu'il lui fit en même temps et qui voulait dire « Ceci est encore de ton rôle. Comédie, pure comédie. » Sir Williams traversa le parc avec Cerise et la conduisit dans cette chambre à coucher où Jeanne dormait encore. « Mon Dieu, comme tout cela est beau !» murmura la fleuriste, émerveillée, s'agenouillant devant Jeanne endormie. « Tout cela est à Jeanne, » dit Sir Williams. À la future comtesse de Kergaz. Maintenant, chère petite Cerise, écoutez-moi bien. Jeanne dort, et lorsqu'il s'éveillera, je serai parti. Il faut que je m'éloigne 8 jours. Vous allez rester au château. Mariette, sa femme de chambre, la préparera à vous revoir, et pendant les quelques jours où je dois vous cacher pour vous soustraire à votre sœur et à l'infâme Beaupréau, vous habiterez avec elle. Vous serez sa sœur, son amie, sa confidente. Oui, monsieur le comte, dit Cerise. Chaque jour, je lui écrirai. Elle vous lira sans doute mes lettres. Vous ne chercherez point à lui faire comprendre que le vrai comte de Kergaz, celui qu'elle aime, n'est pas ce drôle de Bastien. Laissons agir mes lettres et le temps. Cerise regarda Sir Williams avec enthousiasme et lui dit « Ah, comment ne vous aimera-t-elle pas? Rien qu'à vous voir. » « Adieu, Cerise, » dit Sir Williams. « Il faut que je parte, et je ne veux pas que Jeanne me voie. »« Monsieur, » demanda Cerise, « quand reverrai-je Léon ?» Je ne sais au juste, mais espérez et ayant foi en moi, je vous jure que vous serez sa femme dans 15 jours. » Et Sir Williams, laissant Cerise tranquillement sur cette promesse, regagna son tilbury et dit à Collard qui tenait les rênes « Je crois, Dieu me pardonne, que le tour est joué. J'ai fait mieux que de voler sa femme à Armand, je lui ai pris son nom. À présent, occupons-nous des millions du bonhomme Kermarouet, puisque ma vengeance est en bonne voie. » « Les millions ! » dit Collard avec un accent de convoitise. « Voilà l'essentiel. C'est mon avis, et je pars ce soir pour la Bretagne, où je vais épouser mademoiselle Hermine de Beaupréau. » Ainsi donc, l'infâme Andrea triomphait sur tous les points. Fernand était prisonnier, Cerise et Jeanne séquestrées, Baccarat enfermée comme folle. Et le comte Armand de Kergaz ne pourrait désormais trouver la trace des héritiers de feu monsieur le baron Kermor de Kermarouet.